sentiment de ce que tu es devenu. Oh, t'aimer comme on aime vraiment fort, amour, tendresse, parfois tristesse. Ça me rappelle de bons moments, toute une vie où l'on chantait, on s'amusait, on rigolait. Ou même la nuit, le soleil brillait encore. Mais pourquoi donc tout s'est brisé? Ou toujours ni solution, ou bon des situations, ou c'est un rigolo qui est vrai dans tout bistrot. Moi là pour pas choc là où est meilleur, là où content est là, choc là où est meilleur, là où content est là, moi con à l'auto choc, moi là pour moi pas choc, choc choc choc choc choc choc choc choc choc choc choc, moi con à l'auto choc, moi là pour moi pas choc, choc là où est meilleur, là où content est là. Love it.